le dimanche 17 septembre. Rendez-vous à partir de 10h au parc de Migrolles. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anaïs Carreira, Nice, Portugal, France. Prince Touba. Je te souviens quand on était gamin, partait au bled, c'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil, on se retrouve à dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Merlin. Cruz. Desliza, desliza, desliza. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Tradição do ar, vivo malhão. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Com os braços no ar, vivo malhão. Manda-me um bilhete de postal. Luís Manuel. Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour, os bombos. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, au parc de Migrolles à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veigne en tout. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très très bien. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne. Voilà, rendez-vous marqué. J'espère que tout le monde va très très bien. Vous êtes tous rentrés de vacances. Peut-être que certains sont encore en vacances. Eh bien moi, ça y est, c'est terminé. Je suis là pour une nouvelle saison du Téléphone Sonne. J'espère que vous avez... pu profiter de toute cette période estivale. C'est malheureusement la rentrée, c'est peut-être déjà la rentrée pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. En tout cas, vous connaissez le principe de la mission, il n'a pas changé. 02 38 43 48 00 pour faire toutes vos petites dédicaces, choisir vos musiques préférées, je suis là. Je répète le numéro, 02 38 43 48 00. Vous le savez, il y a un événement qui a été décalé pour cette rentrée. C'est quelque chose d'improbable, quelque chose d'inattendu dont on n'a pas l'habitude. En tout cas, dans la région du Loiret, c'est cette fête des saints populaires qui devait avoir lieu début juillet et qui finalement a été décalée le 16 et le 17 septembre prochain. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. C'est dans 15 jours. Tous les artistes ont accepté de décaler et ont pu faire en sorte agencer leur agenda pour être là le 16 et le 17 septembre. Tout ça aura lieu au même endroit, au parc de Migrolles à Fleury-les-Aubrais. Donc rendez-vous le 16 à partir de 17h, 18h. Venez, j'espère que la météo cette semaine, elle va être formidable. J'espère que d'ici là, ça va se maintenir et qu'on aura un temps magnifique, une arrière-saison, un bon mois de septembre. En tout cas, le rendez-vous est marqué le 16 et 17 septembre. Voilà. Je voulais commencer cette émission avec peut-être partager vos musiques de l'été. Pourquoi pas m'appeler aujourd'hui et me dire quelle est votre musique de l'été, quelle musique vous avez pu entendre tout cet été. Peut-être le succès que vous avez pu entendre ou bien des chansons un peu plus nostalgiques, etc. Alors moi je n'étais pas au Portugal cet été et donc forcément j'ai pas forcément entendu là où j'étais en vacances des musiques portugaises. J'étais en Sicile et donc en Sicile je vous partage la musique qu'on écoutait partout. C'est Annalisa, Mon Amour. Sexy boy, sexy boy, you should stop. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei. Mi bacia lui, mi bacia lei, mi bacia me. Sopra soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei. Che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu entendre au Portugal. Je sais qu'au Portugal, on a beaucoup entendu ceci. Pedro Mafam, Preço Certo. Está para vir. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Rolaria lola, rolaria lola. Rolaria, lola, rolaria, lola. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. se sabe tão bem. Falaram se sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei. Beijar-te assim sabe tão bem. Quem é melhor que a gente fala, hein, minha querida? Et voilà, Pedro, ma femme, presso certo, c'est une chanson qu'on a, j'imagine, vous avez beaucoup entendu. Au Portugal, il y a également plein d'autres chansons, hein, et vous pouvez me les faire partager, 02 38 43 48 00. On va continuer avec Coração de Gelo de View. Trata o coração quebrado, fumando um da forte. Várias bundas no lugar, mas nada que me importe. Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz. Te apresento essa neném com cara de malvada. Descendo do Uber com as cunhada. Fumo vape com gosto de anjo, amanhã arrasa. Aproveita e me leva pra tua casa. Me promete prazer, preciso de amor não. Já me conformei que eu não vou segurar sua mão. Depois fuma um balão. Ficou com tesão no brilho do cordão. Nem pensa em romance, ela só quer tapão. Guiri, guiri, rap, guiri, rap, guiri, rap. Tranquilão, fumando um do bom por aí. Sempre na onda, eu não deixo a vibe cair. Se quiser colar, venha só me seguir. Mama, mama, baby. Foda que eu e ela era sal. Era sal. Aquela roupa fora do normal. Ela disse que quer conhecer foda. Commencer avec nos dédicaces et avec une chanson que peut-être Jérôme a écouté pendant tout cet été. En tout cas, je sais qu'il aime beaucoup cet artiste. Donc ça a été demandé d'un auditeur très fidèle qui s'appelle Jérôme, qui souhaite un très bon dimanche à sa maman, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Donc, il nous a demandé « Vamos ao baile » de José Melo. Noitinha vai ter festa, solteiras, casadas, viúvas, do bailarico estão à espera. E quando passa a procissão, elas seguram na mão, na mãozinha. Maria do Santinho. Querem um milagre ao ar, querem encontrar um par para ir ao bailarino. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vai ter festa, solteiras, casadas, viúvas, do bailarico estão à espera. E quando passa a procissão, elas seguram na mão, na mãozinha do santinho. Querem um milagre ao ar, querem encontrar um pai para ir ao bailarico. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile, as mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile, as mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile, José Malho. On va continuer avec un artiste qui sera présent le 17 septembre au Parc de Lignerolles à l'occasion de la fête des Saints Populaires de Radio Arc-en-Ciel qui a été décalée de juillet à septembre, vous le savez. Hein. Et donc cet artiste, c'est un artiste qui a fait ses preuves, qui a déjà un parcours artistique de très très longues années. C'est O Luís Manuel avec une chanson qui s'intitule « Bilhete Postal ». Nas paisagens dos verdes campos sem igual, detrás dos montes outra imagem, outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas, da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Quero tudo, papelas, trigo e girassol. No envelope se couber, ai, manda-me um pouco de sol. E do Algarve tu já sabes, é praia, férias e calor. Só faltam as flores da Madeira e os lindos prados dos Açores. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. mostrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás de muitas outra imagem, outra do Douro litoral. As beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas. A Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal. Manda-me um bilhete postal de Portugal, Luís Manuel, qu'il sera parmi nous le 17 septembre prochain, Parc de Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais, en compagnie de divers artistes que vous connaissez tous. Il y aura le dimanche après-midi Prince Tug, Claudia Caramel, Nerlingo, Leanne Cruz, Tradition d'Ouro, Anaïs Carreira, qui est Miss France Portugal, Ousbombe Soleil du Portugal, Lusa Malentins de Olivier et Ousbombe Amigos de Portugal. Donc voilà, tout ça c'est gratuit sur Parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. La veille, le samedi, vous aurez également les trois groupes de bombes, une animation par DJ Franky, l'animateur que vous connaissez tous, qui fait ses émissions du lundi au vendredi de 7h à 9h, et puis le bal animé par le groupe Capanegra. Voilà. Donc, le 16, le 17 septembre, on va écouter un autre artiste qui sera parmi nous le 17 septembre. Il s'agit de Prince Tug avec une chanson qui s'intitule Saudade. Quand on partait comme ça, de la bécane, t'es à pied, t'es. Dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Le temps passe, il m'apaise dans mes projets. Il me pousse, il me porte dans mon succès. Je reconnais, tu me connais, je suis pas zen zen. Ce que t'as fait, c'était bien pour que je me protège. Je me rappelle, j'étais pas pour toi. T'as conseil, je pensais qu'à l'oseille. Les flics qu'on trouvait m'ont tarpé sous l'oreiller. Viens faire un tour dans mon pays. De sa défense et de la folie. On se rejoint, je paye ma taille. Ne me parle pas de paye, ni des bulletins de paye. Viens faire un tour à la plage, je profite du bonheur. Je repasse à ma mère qui me regarde du bon oeil. À jamais dans ma tête, pour toujours dans mon cœur. J'aime ce pays, son climat, c'est ma douceur. J'aimerais ne jamais m'en aller. Je reviendrai souvent dans l'année. Beaucoup d'adieux nous ont déchirés. Restez forts, on se le promet. Stug Saudade, il sera là le dimanche 17 septembre au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. On continue et vous pouvez continuer 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On va écouter un groupe qui fait fureur au Portugal. Il s'agit, et pas seulement, internationalement, auprès de la communauté portugaise et pas que, il s'agit de Kalem avec Nossa Dança. Joga no chão o sal grosso e atira pra cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu encontrei. Just for you. Nada me perdeu. Oui, exactement. Kalem, Nossa Dança. On continue avec une chanson qui s'intitule Sai da Frente de Juliette. Deixa eu te mostrar quem sou. Todos os olhos em mim. Um passo em falso, eu tô no chão. Por isso eu tô pisando assim. Sai da frente, corre mais do que falam por aí. Navegando contra a corrente. Ai, ai, ai, ai, sai da frente. Você me olha, né? Da cabeça ao pé. Quer me rotula, quer um pouquinho de mim. Então se toca, né? Onde eu tô não dá pé. Se tu não bota fé, no fim vai aplaudir. Até quando vai ficar me testando? Até porque não tenho nada pra provar. Até quando vai ficar esperando meu tombo? calça eu tô no chão. Por isso eu tô pisando assim. Sai da frente, corri mais do que falam por aí. Navegando contra a corrente. Ai, ai, ai, ai, sai da frente. Você me olha, né? Da cabeça ao pé. Quer me rotula, quer um pouquinho de mim. On va continuer avec nos dédicaces et cette fois-ci c'est un animateur de Radio Arc-en-Ciel mais également auditeur. Il nous a remplacé, il était là pendant tout l'été pour vous faire passer de la musique et faire en sorte que vous puissiez avoir de la musique portugaise. C'est au Sr. Lourenço, on le salue, il m'a appelé tout à l'heure. Donc il souhaite, bien sûr, on lui souhaite un bon dimanche à lui, à toute sa famille, et lui également, il souhaite un bon dimanche donc à toute sa famille, à lui-même, ao Sr. Fernando Monteiro, ao José Anastasio, ao César, que também havia estado com ele, mas só que, como on dit en français, il a posé un lapin, então espera dele para o aperitivo. Então vamos lá, uma música para o Sr. Lourenço e os amigos deles e família. Vamos ouvir o Saúl com a música Agarra Aqui. Fui com a Maria ao baile para dançar. Pois na lambreta e vento pela proa, começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim, fui estar acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mas fez bombás e a moto sem sinal. Sem ir ao bar, a festa foi mesmo ali. Calça presa na corrente, oh Maria, agarra aqui. Oh Maria, agarra aqui. Oh Maria, agarra aqui. Ah, yeah. Fim de semana, havia festa boa. Fui com a Maria ao baile para dançar. Pois na lambreta e vento pela proa, começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim, fui estrada acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mas fez bombares e a moto sem sinal. Sem ir ao bar, a festa foi mesmo ali. Calça presa na corrente, oh Maria, agarra aqui. Oh Maria, agarra aqui. Oh Maria, agarra aqui. Oh Maria, agarra aqui. Dédicace, et cette fois-ci, ça a été demandé de ses parents pour souhaiter un très bel anniversaire à Julie Macedo, avec plein d'amour et plein de bisous, sans oublier sa grande famille. Elle nous a demandé une chanson de George Freire, My Universal. Faça a cana em casa, tenho que amar. pas semana so gana diga magana nya menti jaga relaxa tranquilo vida ganga ma bombo de orgulho nya ma mundo de roda nada como da lili na vula diga na casa de hacer tu semari rue man deixa linha só nas chakras que tem tempo muito menos paga deixa uma linha nos chakras analisar o que se passa não dá pra esquecer a guita quando viemos do nada vou deixar a minha marca encher de orgulho a minha casa deixa uma linha nos chakras analisar o que se passa não dá pra esquecer a guita quando viemos do nada vou deixar a minha marca encher de orgulho a minha casa Continuer toujours en musique avec des artistes qui toujours seront présents le 17 septembre prochain. Vous savez, vous n'avez pas oublié, hein, le 16 et 17 septembre, c'est la fête des Saints Populaires organisée par Radio Arc-en-Ciel au parc de Lingrelle à Fleury-les-Aubrais. Et parmi les artistes qui seront présents le 17 septembre, il y a Tradition d'Aul pour la première fois ici à Orléans. Et donc, on va écouter un des titres de ce groupe, Allô, mais au pauvre. Vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos os braços no ar. Agita o pé, vem dançar no barulho. Em casa que eu não fico, a festa vai começar. Toda a gente vem daí, vem para o meio, para a beira da multidão. A festa já começou, o povo já quer dançar. Vem para a festa cantar este refrão. A banda toca para o povo do terreiro. Toda a gente dança ao toque desta canção. Dança Maria para cá, dança o Manel para lá. A noite é nossa, uma festa de bênção. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos que os faz voar. Agita o pé, vem dançar no ar livre. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Para a festa da aldeia é dia de festa, ninguém vai querer parar. A festa é a valer, o povo está animado, a gente gosta e ninguém se vai cansar. A banda toca para o povo do terreiro, toda a gente dança ao toque desta canção. Dança a Maria para cá, dança o Manel para lá. A noite é nossa, uma festa de eleição. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos que faz soar. Agita o pé, vem dançar no eu quero gosto. Não uma dança pra queijoar. Já vou te calma até o olhar alto. Beijo travoso de um bocajá. Pele na fila, é carne de caju. Saliva doce, o céu é do sul. Linda morena, fruta vida, sem parar no caldo de cana caiana. Outro desfruta. Morena tropicana, eu quero ter. Oi, oi, oi, oi. Morena tropicana, eu quero ter o sabor. Oi, oi, oi, oi. Morena tropicana, eu quero ter o sabor. Eu quero gosto suave. Não uma dança pra queijoar. Já vou de pé no teu olhar alto. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, água do sul. Linda morena, fruta viva, chimparana. Caldo de cana caiana, outro de suco. Linda morena, fruta viva, chimparana. Vou te desfrutar, morena tropicana, eu quero teu. Oi, oi, oi, oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi, morena tropicana, eu quero teu. Oi, oi, oi, oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Agora é de vez. Sei que senti falta da minha voz. Tem saudade de notas na sua voz. Será que toda a gente é livre para sentir? Suporto ter que viver.

Enxertada, Helder Batista e o trio Os Boêmios. On continue avec nos dédicaces. Et cette fois-ci, ça a été demandé, juste le temps de reprendre, ça a été demandé, faire une dédicace pour Alissa Macedo, pour son anniversaire, à l'occasion de son anniversaire, donc un très joyeux anniversaire à Alissa, de la part de Tonton, de Néné, de Milan et de Maël, pour Alissa, pour lui c'était un très bel anniversaire, et puis c'est également pour Eugénia, de la part de Chaton. Voilà, on va écouter une chanson de Nining Uvajmaï, Bébé. Eu quero dar-te a ti o que pedias, uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Réduire au maximum. Alors, c'était Nining Uvajmaï, Bébé. On continue toujours avec notre musique et nos dédicaces. Et cette fois-ci, je viens à l'instant de raccrocher, c'est de Samuel Match para sua esposa e seus filhos, desejando um bom domingo. Muitos beijinhos para a família do Samuel Match para a esposa e filhos. Vamos ouvir a nova música dos Némanos, Por Fora Te Odeio. perdoei. Quando te vi mudar com outro alguém, bater saudade em mim, um beijo que era só meu. Doeu, ardeu, entristeceu, todo o meu peito logo enegreceu. Falta de ti, de nós, a chama não se apagou. Nem falei, olhaste e continuei. Senti que sentes também, para bem de nós dois. Por fora te odeio, ai ai, por dentro te amo, ai ai. Tirando-te a roupa, logo em ti. Por fora te odeio, ai ai, por dentro te amo, ai ai. Tirando-te a roupa, logo em ti. Quando te vi mudar com outro alguém, bater saudade em mim do beijo que era só meu. Doeu, ardeu, entristeceu, todo o meu peito logo enegreceu. Falta de ti, de nós, a chama não se apagou. Nem falei, olhaste e continuei. Senti que sentes também, para bem de nós. Vamos fazer. Quando vocês responderem a... Vão todos levantar as duas mãos. Só vamos unir as nossas vozes assim. Assim. Vocês vão responder o A assim. Assim, com essa energia boa. As mãos assim no ar, lá em cima. Queremos ver toda a gente assim a participar. Assim, assim. Mama é. Mama é. Mama é. Campo Pequeno. Come capali anzu, bazu vi pali anzu, dolo mundo. Me casete, come capali anzu, bazu vi pali anzu, pera mundo. Oh, oh. Mama e, mama o, mama e, dolo mundo. Mama e, mama o, mama e, pera mundo. Me casete, come capali anzu, bazu vi pali anzu, dolo mundo. Me casete, come capali anzu, bazu vi pali anzu, pena On continue encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Je viens d'avoir une dédicace, enfin une demande d'une musique. Tout à l'heure, je vous ai passé O Preço Certo. Là, on m'a demandé une autre chanson, O Copo Certo. Alors, ça a été demandé de Monsieur Faria. Pour tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent, un bon dimanche à tout le monde. Alors, je ne connaissais pas cette chanson. A priori, c'est une parodie de O Preço Certo. Donc, c'est O Toinando O Copo Certo. Vamos lá ouvir. Queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho. Com este calor a apertar, quero mais uma para me refrescar. Desde pequenino que eu gosto de beber, teria 8 anos, quer me parecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber as escondidas dos pais. E então, amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olá, lilolé, olá, lilolai, lalalala. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Os amigos são o melhor que a gente tem. Juntá-los todos assim é que está bem. Sarnhada depois de uma boa cesta, vamos todos fazer uma grande festa. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho, mas o dinheiro não está a chegar, alguém eu vou ter que cravar. Há muito que eu gosto é de beber, mas quase sempre bebo para esquecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber em casa à fala dos pais. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai, ai, ai, ai. Vou ganhar o vinho ao meu pai. Ai, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Olá, lilolé, olá, lilolai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Senhor, que este fino vinho faça com que eu não mais me sinta sozinho. Faça com que eu esqueça a cicatriz e viva rindo da vida. Viva feliz! Notre dernière dédicace de cette matinée, elle a été demandée de Maria Fernanda para todos os portugueses que vão e que venham de Portugal. Para vocês todos, um bom domingo para todas as pessoas que estão à escuta da rádio. E ela pediu uma música que é Nossa Senhora, os Peregrinos de Fátima. Vamos ouvir. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Profitez de cette belle température. Il va faire chaud toute la semaine. Donc du coup, c'est à profiter. En tout cas, moi, c'est une température que j'aime beaucoup. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage. Une belle rentrée à tous ceux qui rentrent cette semaine. Et puis, surtout, n'oubliez pas, rendez-vous le 16 et le 17 septembre au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais pour cette belle fête des saints populaires organisée par Radio Arc-en-Ciel. Voilà. On va finir avec une chanson qui nous a été demandée, qui m'a été demandée par message. J'ai beaucoup insisté. Je suis même presque harcelé pour écouter cette musique qui n'est pas la musique que je préfère, mais il faut faire plaisir à tout le monde. Et donc, on va écouter l'appel de jour.

dimanche 17 septembre. Rendez-vous à partir de 10h au Parc de Mirol. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anaïs Carreira, Nice, Portugal, France. Prince Touga. Merlin. Lian Cruz. Cláudia Caramelo. Tradição do Luís Manuel. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour au Jwombo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 16 et le dimanche 17 septembre au parc de Mirol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veigne en touche. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. lado a lado poder dançar com paixão. De madrugada ouvi bater teu coração. Garota, mexe comigo, ao som da música vê o teu corpo tremendo. E lado a lado poder dançar com paixão. De madrugada ouvi bater teu coração. Baby. querem conquistar. Gestos perfeitos e ternura no olhar. É assim, minha mulher, que eu vejo, que trago e desejo no meu coração. É assim, minha mulher, que eu vejo, que trago e desejo no meu coração. É portuguesa, mulher, dos meus sonhos em qualquer lugar. É portuguesa, eu tenho certeza que eu vou encontrar. É portuguesa, de nome Maria, a mulher que eu vou amar. É de certeza, Maria, Maria, Maria portuguesa. Querem conquistar. Gestos perfeitos e ternura no olhar. É assim, minha mulher, que eu vejo, que troco e desejo no meu coração. É assim, minha mulher, que eu vejo, que troco e desejo no meu coração. É portuguesa, mulher, dos meus sonhos em qualquer lugar. É portuguesa e eu tenho a certeza que eu vou encontrar. É portuguesa de nome Maria, a mulher que eu vou amar. É de certeza Maria, Maria, Maria portuguesa. É portuguesa, mulher, dos meus sonhos em qualquer lugar. É portuguesa e eu tenho a certeza que a vou encontrar. É portuguesa de nome Maria, a mulher que eu vou amar. É de certeza Maria, Maria, Maria portuguesa. Arc-en-ciel.